France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Chaque mois, 42e rue offre un ou une artiste, un auteur, un comédien qui aime la comédie musicale de prendre les commandes de l'émission. Alors ce matin, je reçois une soprano qui a chanté dans les plus grandes salles des rôles emblématiques. La Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée de Mozart, Zerbinette dans Ariane Anaxos de Strauss, Lakmé dans l'opéra de Léo Delibes, Olympia dans Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach. Elle a joué et chanté sous la direction de William Christie, James Levine, Pierre Boulez, Robert Carsen, Laurent Pelli, Alfredo Arias, au Metropolitan Opera, au Festival de Salzbourg, à l'Opéra Comique ou au Festival d'Aix-en-Provence. Et puis en 2013, elle a décidé d'arrêter sa carrière de cantatrice et a choisi de poursuivre dans le domaine de la comédie et aussi du théâtre musical. Bonjour Nathalie Dessay. Bonjour Laurent Vallière. Merci d'être avec nous ce matin. Mais écoutez, c'est gentil de m'inviter parce que j'ai plein de choses à dire. Mais à vrai dire, déjà, vous sortez là, juste maintenant, un album émouvant, un oratorio inédit de Michel Legrand qu'il avait entamé dans les années 70 pour Barbra Streisand et qu'il a terminé pour vous. C'est la... chic. C'est pas mal. La vie extraordinaire d'une femme ordinaire. Oh, oui. De la naissance à la mort. Alors c'est vous, ce matin, qui programmez 42e rue, mais c'est moi qui ne pouvais pas faire autrement que de commencer avec cet artiste à qui vous avez emprunté jusqu'à son prénom, Nathalie sans H. Nathalie Wood. Ouais. Bah parce que je la trouvais belle, dans un premier temps, et puis je trouvais que c'était une artiste émouvante. Elle est morte à 42 ans, noyée, elle avait peur de l'eau, moi aussi. Elle était d'origine russe, et moi je ne suis pas d'origine russe, mais j'adore la Russie et la culture russe. Donc voilà, ça fait des choses qui nous rapprochent, et puis surtout c'est l'interprète inoubliable de West Side Story. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Come down! No. Maria! Please. My mother and father will wake up. Just for a minute. A minute is not enough. For an hour, then. I cannot. Then forever! Shh! Then I'm coming up. Maria! Momentito, Papa! Now see what you've done. Momentito, Maria. Cállate. Shh! It is dangerous. If Bernardo knew... We will let him know. I'm not one of them, Maria. But you are not one of us. And I am not one of you. To me, you're all the beautiful... Maruca! Sí, ya vengo, Papa. Only you, you're the only thing I'll see forever in my eyes. In my words and in everything I do, nothing else but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. With you, every thought I'll ever know, everywhere I go, you'll be. All the world is only you and me. It all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right. For here you are, and what was just a word is a star. Your life. Tonight, the world is full of love. with suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today, the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. But here we are, and what was just a word is a star. Doesn't matter how, anyway, it doesn't matter now. It's the last midnight. It's the boom splat. Nothing but a vast midnight. Everybody smash flat. Nothing we can do. Not exactly true. We could always give her the boy. No, of course, what really matters is the blame. Someone you can blame. Fine, if that's the thing you enjoy, placing the blame. If that's the aim, give me the blame. Just give me the boy. No, no. No. You're so nice. You're not good, you're not bad. You're just nice. I'm not good, I'm not nice, I'm just right. I'm the witch, you're the world. I'm the hitch, I'm what no one believes. I'm the witch, you're all liars and thieves. Like his father, like his son will be too. Oh, why bother? You'll just steal and yeah, dare. It's the last midnight, so goodbye. Soon you'll see the sky fall. Here you want a beam. Have another beam. Beams were made for making you rich. Plant them and they soar. Here you want some more. Listen to the roar. Giants by the score. Well, you can blame another witch. It's the last midnight. It's the last verse. Now before it's past midnight, I'm leaving you my last curse. I'm leaving you alone. You can tend the garden, it's yours, separate and alone. Everybody down on all fours. All right, mother. When? Lost the means again. Punish me the way you did then. Give me claws and a hunt. Just away from this bunch. And the gloom, and the doom, and the burn. Thank you. Nathalie Dessay programme 42e rue ce matin sur France Musique. Et donc, que venons-nous d'écouter? Alors, on vient d'écouter un extrait de Into the Woods de Stephen Sondheim avec la grande, l'incomparable, l'inénarrable, l'insurclassable Meryl Streep. Dans le rôle de la sorcière? Dans le rôle de la sorcière. C'est alors, moi, déjà, j'aime les sorcières. Ouais. Mais alors, Meryl Streep, c'est ma chérie à tous les points de vue. C'est la plus grande actrice de sa génération. Elle est capable de se transformer, de transformer sa voix, de transformer les accents dans lesquels elle joue. Elle peut tout jouer, la comédie, le drame. Elle est belle, elle sait magnifiquement chanter. Enfin, c'est prodigieux ce qu'elle fait vocalement. Vous aussi. Disiez que dans le film Florence Foster Jenkins, par exemple, elle vous avait bluffé. Absolument génial. Le travail sur la voix est absolument incroyable. C'est-à-dire que pendant tout le film, elle chante faux, mal, exactement comme le faisait Florence Foster Jenkins. Ouais. Et à la fin du film, et c'est le but, on l'entend chanter tel que Florence s'entend elle-même dans sa tête, c'est-à-dire très bien. Et c'est hyper émouvant et surtout hyper bien fait. C'est un idéal ? Ah, c'est un idéal, oui. Meryl Streep, c'est mon modèle. Il y a un autre modèle, il me semble, dans votre vie. Je me trompe ? Oui, non. Oui, il y en a un autre. On pense à la même personne ? Oui. C'est qui ? Barbara Streisand, ah, je crois. Et non. Pourquoi ? Bah, parce que elle, alors, c'est aussi une actrice drôle et c'est une voix extraordinaire. Qui a bercé toute mon enfance, toute mon adolescence et que j'écoute encore aujourd'hui avec énormément de plaisir dont je m'inspire sans cesse. Qu'est-ce que vous écoutiez d'elle dans votre enfance et votre adolescence, hein? Alors, il y a eu bien sûr la révolution Yentl, hein, bien sûr. Le mais film. Y a eu, oui, et, mais surtout Funny Girl, Funny Lady. Avec l'immense Omar Sharif. Le film sur la vie de Fanny Bryce, voilà. Une des vedettes des Ziegfeld Follies. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi c'est ça que je veux faire dans la vie. Ah oui ? Mais oui. Qu'est-ce qu'elle avait de... Ben d'abord, elle était drôle, elle était émouvante, elle était belle, elle était originale, elle ressemblait à personne. Et puis surtout, Omar Sharif tombait amoureux d'elle. Que désirer de plus ? We travel single Maybe we're lucky, but I don't know. With them, just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. Person who needs people.

extraordinaire. Moi, je l'ai vu donc en vrai jouer ce rôle. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais la salle entière se lever et lui faire une standing ovation après son air en plein milieu de la comédie musicale. J'avais jamais vu ça. Pour quelqu'un qui n'a pas un nom super connu au départ. Alors j'ai beaucoup entendu parler effectivement de ces standing ovations pour elle. Mm. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? C'est-à-dire qu'elle nous a déchiré le cœur, quoi. C'est-à-dire que non seulement elle chante avec cette voix extraordinaire, mais en plus elle joue, elle incarne le personnage dans tout son désespoir et sa rage de vivre. Et c'est prodigieux. Elle est prodigieuse. Moi, je rêve de la voir au cinéma. Je rêve de la voir faire la carrière qu'elle mérite de faire avec un tel talent. Elle incarne une femme noire durant l'esclavage qui est quittée par son mari pour une vedette du musical. Et à ce moment-là, on est presque à la fin du spectacle. Elle reprend confiance en elle. Et vous me disiez aussi qu'elle a une façon particulière de chanter qui est donc très différente de la mienne. En tout cas, du travail d'une cantatrice. Ah oui, c'est ça n'a rien à voir. La grosse différence, en fait, c'est que nous, à l'opéra, on chante sans micro, donc on doit projeter la voix et donc on doit ouvrir la gorge pour que la voix puisse résonner dans tous les résonateurs de la tête, on va dire, pour faire simple. Les chanteurs qui chantent avec micro n'ont pas ce problème. Donc ils chantent sur une tessiture beaucoup plus réduite et ce qui pour nous est à peine un médium est pour eux un aigu, mais sauf que pour que ça ait de l'impact, en fait, ils sont obligés de chanter gorge fermée et avec une voix qui est beaucoup plus mise derrière le nez, ce qu'on appelle le twang, si j'ai bien compris, et jusqu'à ce qu'on appelle le belting, qui est cette façon de porter la voix de poitrine le plus haut possible, en mixant aussi légèrement que possible avec la voix de tête. Alors que nous, dès qu'on va dans l'aigu, on n'est quasiment que en voix de tête. Nathalie Dessay, vous avez programmé un homme quand même aujourd'hui. Quand même, pour faire bonne mesure. Alors, quel homme ! Il a une voix il a une belt voice, Sammy Davis Jr. Ah ouais, ça c'est un enfant de la balle. C'est un type qui sait tout faire, il sait jouer la comédie, il sait chanter et comment. C'est un musicien sublime. C'est un danseur aussi extraordinaire. Et voilà, je l'aime. Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the big boss plays, pulling them ropes from the dawn till sunset and getting no rest till the judgment day. You don't look up and you don't look down. You don't dare make the big boss frown. Well, you bend your knee and you bow your head and you pull them ropes until you're dead. There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I longs to be. What does he care if his folks ain't happy? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he don't say nothing, but he must know something. He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant taters and he don't plant cotton. And them that plants them is soon forgotten. And old man River, he just keeps rolling along. Why, you and me, we sweat, we strain. Bodies all aching and racked with pain. You tote that barge, you lift that bale. And if you get a little drunk, then your land's in I get weary and I'm sick. I'm sick of trying. I'm tired. I'm tired of living. But I'm scared. I'm scared of dying. And old man River, he just keeps running. Quarante-deuxième rue, Laurent Vallière, France Musique. Peut-être avez-vous besoin de repos. En effet, Geneviève s'est beaucoup surmenée. Cet an dernier, elle est un peu palote. Pourquoi n'iriez-vous pas vivre à la campagne? La situation dans laquelle nous nous débattons ne nous permet pas, pour le moment du moins, de prendre du repos. Geneviève ne veut pas partir seule, et moi de mon côté, je ne peux pas abandonner le magasin. Inextricable. Vous ne pouvez donc pas vivre l'une sans l'autre. Nous ne nous sommes, pour ainsi dire, jamais quittés. Ce n'est pas moi qui aurai la fève, c'est moi qui l'ai. Alors il faut tout de suite choisir un roi et faire un vœu. Je n'ai pas le choix. Merci Geneviève, mettez cette couronne. Allons, mets la Geneviève, puisqu'on te le demande. Vous ressemblez, mademoiselle, à cette vierge, à l'enfant que j'ai vu à Anvers. Oh, j'ai les joues en feu. C'est amusant. Je crois que j'ai trop bu. Je vais me retirer. Je ne me sens pas très bien. Alors, je vous quitte. Je vous en prie, nous pouvons bavarder encore un moment. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Je suis vraiment très inquiète, Geneviève est triste, secrète, indépendante. Et j'avoue ne pas être toujours très adroite, compréhensive. J'ai toujours peur de la blesser. Je ne voudrais pas être ridicule. Et les sentiments qui m'animent pourraient ne pas paraître sincères. Pourtant, je ne voudrais pas que cette démarche, car c'en est une, puisse être mal interprétée. Je veux dire qu'il ne faut voir en moi qu'un désir. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. À vrai dire, je ne vois pas bien. Depuis le début de ce repas, je veux vous entretenir d'une idée que j'ai et qui m'occupe. Mais mon émotion n'a d'égal. Ma timidité. Je suis venu vous demander la main de Geneviève. Oh, je sais que je suis maladroit. Mais non, monsieur, je m'attendais si peu à cela. chair et vienne est encore pour moi un enfant. Et la brusquerie de votre demande me décourage un peu. Voyez-vous, j'ignore quels sont les sentiments de Geneviève à votre égard. Elle ne m'a parlé de vous qu'en termes amicaux. Je ne voudrais en aucune façon faire sur elle la moindre pression. Nous ne savons rien de vous. Nathalie Dessay, programme 42e rue, et ce programme elle-même, mais en même temps, parce qu'on arrive peu à peu à Michel Legrand. Et voilà. Mais pourquoi vous avez choisi de vous réécouter dans Le Dîner? C'était au Théâtre du Châtelet, Les Parapluies de Cherbourg, dirigé par Michel Legrand, avec Laurent Naouri et Marie Aubert. Pourquoi? D'abord parce que c'est un souvenir merveilleux. D'une production de Vincent Vitoz au Châtelet avec l'orchestre sur scène, Michel qui dirige, cette musique sublime. Et surtout parce que quand on dit Parapluie de Cherbourg, on entend toujours le fameux thème que tout le monde connaît. Là, pour une fois, on passe à un autre extrait, ça fait du bien. Et on s'aperçoit à cette occasion que tout est merveilleux, tout est magnifiquement écrit et que c'est un chef-d'œuvre. De alors, bout en bout. C'est presque une histoire d'amour avec Michel Legrand, j'ai l'impression, ouais. Nathalie Dessay. On va parler de ce nouvel album, Between Yesterday and Tomorrow, un oratorio composé par Michel Legrand dans les années 70 pour Barbara Streisand, qui ne fut jamais terminé. J'ai eu la chance de joindre à Los Angeles le parolier Alan Bergman. Alors c'est vraiment une légende avec sa femme Marilyn Bergman. Ils ont écrit des paroles pour Sinatra, pour Barbara Streisand. Ils ont écrit Les Moulins de mon cœur, les paroles. Ils ont écrit de nombreuses chansons avec Michel Legrand et notamment toutes les chansons du film Yentl. Il est à Los Angeles. Je lui ai demandé comment il était né, ce projet Between Yesterday and Tomorrow, et pourquoi finalement Barbara Streisand ne l'avait pas enregistré. Well, Michelle and Marilyn and I were working together, as you know. We've been working together since 1966. Vous savez, on travaille ensemble avec Michel Legrand depuis 1966. On a eu cette idée de faire un album sur la vie d'une femme vue de sa propre perspective. We started to write it and as you know, several of the songs were recorded. On a commencé à l'écrire, plusieurs chansons ont été enregistrées par Barbara Streisand. C'était une idée pour elle. Et quand on a commencé, on n'avait écrit que 4 ou 5 chansons. Mais maintenant, il y en a 17 ou 18. Quand on a repris le projet pour Nathalie, on a composé beaucoup de nouvelles chansons. Dans cette histoire, on savait quelles étapes on voulait évoquer dans l'âge de cette femme. Il y avait des indications sur le genre de mélodie qu'on voulait. Alors, Michel Legrand composait à chaque fois sur un thème et parfois on lui faisait un petit commentaire et il écrivait une autre mélodie. Vous voyez, c'est une collaboration avec Michel. L'histoire, elle est chronologique. La petite fille grandit, il y a l'adolescence, la maturité. Michel a composé des mélodies pour chacun de ses problèmes. Par exemple, le morceau de la naissance, qui se termine par donc la naissance, proprement dite, la mort, qui est une progression de plus en plus grave jusqu'au dernier souffle. Musicalement, en fait, Michel a trouvé une façon de caractériser, par exemple, la naissance et la mort d'une façon mélodique. Alan Bergman, est-ce que vous savez pourquoi Barbara Streisand n'a finalement pas voulu enregistrer cet album? C'est pas que Barbara Streisand ne voulait pas l'enregistrer, mais elle ne voulait pas affronter comme ça certains problèmes à cette époque. Et puis vous savez, Michel voulait enregistrer l'album avec Barbara au milieu d'un orchestre. ce qui est vraiment formidable pour un enregistrement. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de montage après, en post-production. Une fois que c'est enregistré, on ne peut plus rien changer. Wasn't there some... Est-ce que ce n'était pas par superstition qu'elle a refusé de chanter? Oui, c'est possible. You must surely know all the lovely things songs you'll be dreaming of. Swinging treetop high, sliding dairy down, eating jelly beans to your heart's delight. In a fairy tale, in a wonderland through the night. And leaves my door open so I can have a little light from the hallway. If I can hear them talking, if I can hear them laughing, I know I won't be frightened. Maybe at night I know it's just my chair, the nice red one, but it looks different than it looks in the daytime. Sometimes I think it's moving. Big enormous monster, a dinosaur, a dragon, maybe. I close my eyes and there are ghosts and witches. I'm scared a wicked witch will eat me. How I wish it wasn't always dark at night. Deux premiers extraits de ce nouvel album, Nathalie Dessay, Between Yesterday and Tomorrow. Donc Michel Legrand appelle ça un oratorio, vous êtes d'accord, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. On pourrait parler aussi d'une comédie musicale à un personnage. Donc ça fait un peu pauvre, dit comme ça. Parce que là, vous étiez avec un deuxième personnage. Oui, en fait, je fais les deux personnages. Voix. En fait, ouais. Je fais la maman et l'enfant. Mm-hmm. Et après, d'ailleurs, cette chanson est reprise où les deux voix se mélangent. Mm. Et du coup, je ne sais pas très bien comment je vais faire quand je vais être toute seule à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jasmine Roy de venir faire ma maman aux Champs-Élysées en mars. Parce que vous allez présenter en concert, voilà, cette œuvre au Théâtre des Champs-Élysées. Et ce sera ma fille qui fera ma fille quand on reprend la chanson et que les deux voix se mélangent. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet d'œuvre ? C'est-à-dire dès que Michel m'a montré cette musique, je me suis dit mais c'est pas possible que ça dorme dans les tiroirs depuis si longtemps. Il faut absolument exhumer tout ça et mettre tout ça au jour. Et déjà, finir ce cycle, parce qu'il n'était pas fini, comme l'a dit Alan, et pas orchestré du tout. Les interludes n'étaient pas écrits. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire pour qu'il puisse voir le jour. Mais j'ai insisté pendant 5 ans, régulièrement, tous les 2 mois, en rappelant à Michel qu'il fallait qu'il finisse. C'est la thématique qui vous plaît, en particulier ? C'est l'idée, évidemment. Mais c'est surtout la qualité musicale et poétique du projet. C'est ça. C'est que c'est exceptionnel d'être en face d'une telle œuvre quand on est un interprète et de pouvoir la créer, en fait, pour la première fois. Alors, cette œuvre, donc, passe en revue les différents âges d'une femme. On a entendu Alain Berman, le parolier, qui nous dévoilait le fait qu'il y a des chansons qui sont nouvelles. Ça veut dire que Michel Legrand, vous vous avez écouté des airs en vous demandant si ça vous plaisait ou pas? Ah non, Michel, il travaille pas comme ça. Il a beaucoup travaillé avec les Bergman, mais moi, il me présentait les choses une fois qu'elles étaient finies. Ah, il demande pas son avis? Non, puis j'oserais pas lui dire « Non, là, Michel, vous êtes pas trop foulé, là, faudrait tout revoir. » Non, ça, c'est impossible. Est-ce que, alors, Barbara Streisand a enregistré 4 chansons dans les années, 2 dans les années 70, et puis une tout récemment. Oui, c'est ça. Vous les aviez écoutées, ces enregistrements, avant de... Bien sûr, je les connaissais. Oui. Ça vous a inspiré ? Ah ben bien sûr. Moi, de toute façon, j'avais tout de suite adoré Between Yesterday and Tomorrow. Je l'avais entendu alors que je ne savais même pas que ce projet existait et qu'un jour, c'est moi qui chanterais tout le cycle. Mais j'étais tout de suite tombée en amour de cette chanson. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette chanson ? Je sais pas, la mélodie, les harmonies étranges, le texte très mélancolique de cette femme qui se retourne sur son passé pour dire oh, « mais la vie a passé si vite !» C'est très, très, très, très beau, très émouvant, ça. 44 ans plus tard, c'est vous qui l'interprétez dans ce nouvel album « Between Yesterday and Tomorrow ». Between yesterday and tomorrow, there is more, there is more than a day. Between day and night, between black and white, there is more, there is more than gray. between the question and the answer. There's the silence of the sea between the cradle and the grave. There is the someone that is me between yesterday and tomorrow. There is more, there is more than a day. There's every dawn. There's a multitude of falls between the entry and the exit. There's a labyrinth of holes between yesterday and tomorrow. There is more, there is more than a day. If I try to make him stay, if I say I love him, will he run? Will he run? Will he run away? Deux extraits du tout nouvel album de Nathalie Dessay, Between Yesterday and Tomorrow. Tout d'abord, Between Yesterday and Tomorrow, la chanson-titre, et puis à l'instant, Fairy Tales and Storybooks. On est à quel moment de l'histoire de cette femme ? Là, on est elle a peut-être 17 ans, mais elle se pose des questions sur l'éventuel prince charmant qui l'attend quelque part et que peut-être elle ne va pas réussir à rencontrer. Donc c'est juste avant, précisément, la première rencontre, le premier coup de foudre amoureux. En fait, ce sont que des monologues, ces chansons, c'est drôle. Ouais, c'est des reflets d'âme. C'est ça, et des instantanés comme ça de la vie. Comment il est, Michel Legrand ? Là, on entendait qu'au départ, il voulait Barbara Streisand enregistre au milieu de l'orchestre. Comment il est lors d'un enregistrement, Michel Legrand ? Bah là, il s'est occupé de l'orchestre très très bien. Il a super bien dirigé. Moi, j'étais en cabine à côté. J'ai d'abord été pour les premiers essais, j'étais au milieu de l'orchestre effectivement, et j'avais donc cette musique sublime qui m'entourait. C'était vraiment hyper émouvant. Et après, je suis allée en cabine pour enregistrer ce qu'on appelle des scratch voices, c'est-à-dire des voix témoins. Et ensuite, une fois que tout l'orchestre était bien enregistré, quelques semaines plus tard, quand j'ai eu le temps de m'entraîner sur la bande de l'orchestre, on est allé réenregistrer ma voix toute seule en cabine avec l'orchestre qui me passait dans le casque. Et c'est pour ça qu'on a pu travailler si en détail et si bien, précisément. On peut imaginer en faire un spectacle de cette histoire finalement de la vie d'une femme. Vous avez prévu de le faire ? Alors là, on va le donner d'abord en concert. Mais ce qui serait génial un jour, c'est que ça puisse devenir un vrai spectacle visuel, avec peut-être des acteurs, des danseurs, de la vidéo, parce que c'est tellement cinématographique aussi comme musique, et tous ces interludes symphoniques, ça appelle des images, alors qu'elles soient, j'allais dire, vraies ou en film. Nathalie Dessay, vous serez en concert donc avec Michel Legrand pour interpréter cette œuvre au Théâtre des Champs-Élysées. Ça sera le 29 et le 30 mars. Et puis j'ai le plaisir de vous offrir, vous derrière le poste, 5 exemplaires de ce nouvel album. Vous avez l'habitude, il suffit de nous écrire en allant sur la page de 42e rue, sur le site de France Musique, francemusique.fr. Vous nous écrivez, vous n'oubliez pas de marquer votre adresse. Et le tirage au sort aura lieu mercredi. Je ne pouvais pas refermer cette émission, Nathalie, sans choisir moi-même un morceau pour vous. Hello Dolly. Vous l'avez pas mis dans votre liste ? Non, parce que c'est pas forcément ma comédie musicale préférée, et pourtant c'est un personnage absolument génial. Mais vous l'avez vu à Broadway là, il y a pas longtemps, il me semble, avec la grande Bette Midler, et c'était génial. Très très très classique, hein, comme spectacle, mais c'était super, c'était un spectacle incroyable. Et puis alors le public était fou de revoir Bette Midler dans ce rôle qui lui va comme un gant. C'est un modèle, Bette Midler aussi pour vous ? Non, c'est pas vraiment un modèle parce que je peux pas ni m'identifier à la comédienne qu'elle est, ni à la chanteuse qu'elle est, mais c'est une bête de scène absolument incroyable. Et surtout, ce qui se dégage, moi ce qui m'a tellement plu, c'est le charme absolu qui se dégage d'elle, et on n'est pas étonné que le personnage masculin tombe immédiatement, ou en tout cas pas immédiatement, ou du moins sans le savoir, sous son charme. Yeah. you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room's waiting for the band's playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap, fellas, darling, you'll never go away again. Hello, darling. Well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. Elle de Lee, Bette Midler, vue et approuvée par Nathalie Dessay à Broadway. Merci Nathalie. Merci Laurent. Votre album Between Yesterday and Tomorrow, à découvrir, à offrir, vient de sortir chez Sony et nous vous l'offrons. Vous nous envoyez un mail direction la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous êtes aussi à l'affiche d'une pièce de théâtre de Stephen Feig. Aux côtés de Macha Merrill, de Bernard Allan, La Légende d'une vie, on peut vous voir cet après-midi à Monaco, les 9 et 10 à Neuilly-sur-Seine, le 15 décembre à Rueil-Malmaison, le 16 à Bure-sur-Yvette, et en janvier, pendant plusieurs jours, à Orléans. C'est ça, et ça sera au Cadeau à Orléans, et tout ça dans une mise en scène magnifique de Christophe Lidon. Eh bien, merci beaucoup, c'est lui aussi qui vous mettra en scène en mars au Théâtre des Champs-Élysées, dans la mise en espace de cet oratorio. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec Nathalie Dessay, préparée par Martine Meuny et Marion Guillemet, avec à la technique Claire Levasseur, et à la réalisation Fabien Flora. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.